Second chapitre, le communisme rural au pays gallo. Il est généralement admis que le paysan a le culte forcené de la propriété, qu'il aime sa terre comme l'avare son or, et qu'il défendrait au besoin le sol, les armes à la main, contre les entreprises sociales qui tendraient à modifier l'ordre existant du cadastre. On oublie seulement de dire que, malgré le nombre considérable des petits possesseurs de la terre, que certains statisticiens évaluent à 8 millions, la multitude des domestiques, des ouvriers agricoles, des métayers et des fermiers qui ne possèdent rien, c'est-à-dire qui vivent en travaillant les sillons des autres, ne pensent pas ainsi et témoignent par leurs actes journaliers qu'ils considèrent un peu la grande terre comme le patrimoine collectif des terriens. Partant de ce principe, ils pillent le bois, fauchent l'herbe ou cueillent les fruits, en un mot, usent des grands biens particuliers à chaque canton, comme si ces biens étaient un peu leur chose. Il n'y a pas à douter de l'esprit communautaire qui anime encore des millions d'hommes considérés, à tort, comme les protagonistes de la propriété et les amis d'un ordre auquel ils n'ont d'ailleurs pas contribué. Extérieurement, si la masse agraire ressemble à un bloc passif, un énorme rocher moussu de préjugés et de routines, il ne faudrait pas croire à son immobilité éternelle. De tout temps, la population agraire a revendiqué ses droits sur les bois, les eaux, les pâturages. Nos paysans du XXe siècle ne savent plus que le communisme fut à la base de tout essai de culture, et cependant, obscurément, ils sentent quelle utilité les terrains et les forêts communaux avaient pour eux. Nous allons rechercher les faits et les usages conservés qui prouvent combien le sentiment communiste, le fort devant aider au faible, disaient les anciens cahiers des généraux, est encore vivace chez les campagnards bretons. Il n'y a aucun doute qu'au siècle mérovingien, les terres furent cultivées par des clans de laboureurs, travaillant en commun un sol dont la possession incertaine n'était revendiquée que par des chefs francs qui ne connaissaient pas eux-mêmes l'étendue d'une terre conquise, les armes à la main. Alors l'idée de propriété d'un champ, d'un pré, eût paru ridicule au milieu de l'étendue d'un pays entier qui s'offrait aux nouveaux occupants. Le travail en commun, à bénéfice commun, dura plusieurs siècles, malgré le pouvoir de plus en plus arbitraire d'une féodalité qui s'emparait effectivement, peu à peu, du sol et des bêtes humaines ou animales qui le peuplaient. À force de compression, vint l'explosion. Les serfs révoltés au XIe siècle conquirent leur charte d'affranchissement et leur communauté nomma les gardes du village, les pâtres du troupeau pâturant en commun et décida des travaux à effectuer par le libre consentement des villageois. Du nord au sud de la France, la commune libre nomma son syndic, son maire, son consul, son jurat ou son capitoul. Alors revécurent les primitives assemblées pastorales où le peuple réuni était consulté sur l'administration de la communauté. Les anciens, c'est-à-dire les vieillards, voilà les conseillers naturels des tribus agraires. Le génie populaire de la libre France du Moyen-Âge voulait qu'à ces assemblées communales, tous les chefs de ménage et les veuves pussent délibérer. Lorsqu'on consulte les plus vieux procès-verbaux conservés dans les mairies du Morbihan, on peut lire l'ancienne formule usitée qui symbolisait tout le régime politique de ces assemblées, lesquelles habitants comparant part, ici les noms des présents, faisant et représentant la plus grande et saine partie des habitants, se portant fort pour les absents, etc., ont résolu de, en cas d'emprunt nouveau qui pèserait sur la population, celle-ci tout entière devait adhérer à la décision prise. Il y avait donc là une sorte de plébiscite avant la lettre. Dans les circonstances solennelles réclamant la présence de tous les habitants, la convocation était faite au moins la veille de pot en pot, c'est-à-dire de porte en porte par le sergent du village. Ces réunions populaires, où tous les villageois étaient égaux, se tenaient généralement dans les cimetières. On s'asseyait sur les pierres tombales. En cas de pluie, on se réunissait chez l'un des habitants ou à la sacristie. Les assemblées étaient délibératives et exécutives. Elles nommaient le syndic, le recteur d'école, le procureur, le sonneur, le fossoyeur, le garde forestier, les pâtres, celui du menu, patour ou mouton, et celui du grand troupeau, les collecteurs de la taille, etc. Tout dans l'administration paysanne était conçu dans un esprit communiste, puisque les animaux de chaque famille étaient confiés à un seul berger et pâturaient dans les communaux. Il est curieux qu'aujourd'hui il semble paradoxal de constater cet antique état de choses, trop ignoré de certains théoriciens qui rebâtissent précisément l'avenir rural sur un système éprouvé. Éternelle régression puis retour des institutions humaines. Cambert et Fréry du Morbihan. Après cet aperçu sur les communes pendant l'Ancien Régime, nous allons passer en revue les dernières institutions existantes du communisme rural. Disons tout de suite que si elles tendent à disparaître, c'est qu'elles sont en contradiction avec l'esprit issu de la Révolution française. Depuis le jour où les nouveaux possesseurs de biens nationaux ont triomphé, ils ont voulu rendre sacrés à tout jamais leurs titres de propriété et ils ont été obligés de lutter contre le sentiment communautaire des paysans, d'où ce conflit entre la classe rurale et la bourgeoisie foncière. Nous reviendrons tout à l'heure sur la formation et l'émiettement des communaux et nous expliquerons pourquoi ils tendent à disparaître complètement. Auparavant, nous voulons présenter deux institutions communales qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours pour le plus grand bien de nos populations rurales. D'abord, le cambert, dont l'étymologie, si nous en croyons un érudit, se trouverait dans le mot espagnol cambio, troc, échange. Un certain nombre de mots espagnols persistent encore dans le patois gallo. Les cambers sont des associations amicales destinées à faciliter l'exécution des travaux en commun qui exigent un nombre personnel, par exemple le battage, la fenaison, etc. Chaque camber réunit environ 15 à 20 fermes qui fournissent chacune 3 personnes et alternativement un garçon et 2 filles et 2 femmes et 1 homme, de façon à ce qu'au total, le fermier qu'on aide trouve à sa disposition autant de gars que de filles, chacun ayant son occupation spéciale dans une batterie de blé, par exemple. Chaque arrivant apporte son lait et son beurre pendant les journées de travail, afin de ne pas trop gréver le budget du fermier qu'on aide. Celui-ci est seulement tenu de leur tremper la soupe et de fournir le pain et quelquefois du lard, suivant ses moyens. Le cambert, c'est donc la mise en application intégrale du communisme agraire. Dans les campagnes pauvres, on ne voit pas trop comment l'on pourrait remplacer cette aide spontanée des voisins par des salaires qu'il serait impossible à un pauvre métayer de payer. Il rend donc en nature, en travail de ses bras, l'aide qu'on lui a portée. Si, par exemple, 60 personnes ont travaillé un jour chez lui, il doit 60 journées de travail. Le fermier, sa femme et ses enfants pourront se libérer en 15 à 20 jours de cette dette. Grâce au cambert, une famille s'appuie sur la petite collectivité des voisins et, par lui, elle peut exister et prospérer. Le salariat adopté presque universellement dans les départements fortunés a fait disparaître cette coutume honorable qui avait un mérite immense, celui de rapprocher les intérêts de tout un groupement solidarisé devant la bonne production et l'aisance d'une famille. Osera-t-on croire que le salaire en argent a pu remplacer le merci cordial qu'un paysan libre donnait à un autre paysan qui, librement, lui avait prêté sa bonne volonté et ses bras ? Voici un second exemple d'entente. Les fréries, qui subsistent encore, étaient à l'origine des divisions administratives nées spontanément de la fraternité entre voisins, d'où frérie de frères. Il ne faut pas confondre avec les fréries, F-R-A-I-R-I-E-S, fêtes de village. Autrefois, la levée des fouages et des autres impôts exigeait une connaissance parfaite de l'état d'aisance des paysans, puisque le collecteur réclamait plus ou moins suivant les maisons. Ce régime, qui imposait chacun d'après les moyens qui lui étaient reconnus par l'opinion publique, ressemblait d'ailleurs étonnamment au fameux impôt sur le revenu toujours attendu. L'ancienne frérie était aussi une division religieuse, car généralement chacun de ces groupements possédait une chapelle. Aujourd'hui encore, dans les campagnes de l'Ouest, ces tribus fraternelles qui se doivent secours et protection sont reconnues des conseils municipaux qui désignent deux répartiteurs par frérie lorsqu'il s'agit de fixer le rôle des prestations. Enfin, en matière d'élection au conseil municipal, il est d'usage de nommer un conseiller par frérie, ou du moins dans l'assemblée municipale. Les élus se partagent l'honneur de défendre chacun les intérêts d'une frérie de la commune. Au total, la frérie, c'est donc encore une institution de politique fraternelle à base d'intérêts communs. On y débat et on y défend que des sujets essentiellement utiles à la petite communauté. Les communaux. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a seulement un siècle, une bonne partie du territoire français était bien communal. Chaque village possédait des biens fonciers laissés en commun et dont chacun profitait. En 1830, les pâturages, les causses et les landiers communaux étaient encore aussi considérables que dans la Bretagne, on trouvait autour des villages beaucoup plus de sols dévolus à l'usage de tous les habitants que de champs cultivés par leurs propriétaires. On a beaucoup épilogué sur l'origine de ces biens collectifs. Il nous paraît qu'ils proviennent du jeu naturel des institutions féodales qui accordaient à chaque agglomération des pâturages, des bois, un lavoir, un four, etc. Puisque, à l'origine, dans chaque bourg, seul le seigneur pouvait se dire propriétaire, il fallait bien qu'il abandonnât aux besoins des paysans une grande quantité d'un sol qui n'avait d'ailleurs de valeur que lorsqu'il était mis en œuvre. Il semblerait aussi que, pendant les croisades et en l'absence des suzerains, les laboureurs cultivèrent, pâturèrent et prirent coutume de certaines réserves de leurs seigneurs. Dans la suite des siècles, par une sorte de prescription, ces communaux furent acquis à la communauté paysanne et, pourvu que le cultivateur paya l'impôt d'argent et l'impôt de sang, on le laissait jouir en paix des droits qu'il s'était octroyés. La communauté paysanne posséda aussi des biens en toute propriété, en dehors de ses usages, dans les bois ou les pâturages d'autrui. Ses coutumes et ses véritables titres ont été conservés jusqu'à nos jours, et lorsque de nouveaux acquéreurs ne veulent pas reconnaître ses usances, vieux style, on voit des communes s'insurger et menacer de mort les représentants de l'autorité moderne, aussi dure aux paysans d'ailleurs que le pouvoir féodal. En l'état actuel, voici les usages qui subsistent. Dans beaucoup de communes de la Bretagne, partout où la campagne est bien boisée, on reconnaît encore aux villageois l'affouage, c'est-à-dire le droit de prendre dans la forêt voisine le bois nécessaire pour se chauffer et faire cuire leur pain dans leur four particulier. Dans nos communes de l'Ouest, des répartiteurs nommés par les bénéficiants sont chargés de distribuer avec justice le bois qui revient à chacun. Cet affouage, dit de mort-bois, est encore très répandu. Il consiste non seulement à ramasser les branches brisées, mais encore à émonder les arbres reconnus impropres à tout service de menuiserie ou de charpente, c'est-à-dire le saule, le tremble, le coudre noir, le troène, le fusain, etc. Le droit de maisonnage, charpente à prendre dans les arbres de futaie, et le droit de faire harnais de charrue sont de plus en plus contestés par les propriétaires issus de la Révolution française. Il y aurait beaucoup à dire sur les restrictions perpétuelles apportées par les nouveaux maîtres du sol qui, plus sévères que l'ancienne noblesse, refusent aux pauvres campagnards des jouissances tolérées par les gentilshommes terriens sous l'ancien régime. Les biens communaux que nous avons plus particulièrement étudiés dans nos départements de l'Ouest consistent aujourd'hui en pâturages qui sont généralement une dépendance des villages les plus proches dont ils sont la propriété particulière. Lorsqu'une commune possède plusieurs hameaux, chaque hameau, qui est souvent constitué en frérie et cambère, possède un communal distinct de celui des agglomérations de Chaumières voisines. En dehors de cet usage, les villages limitrophes jouissent de prairies communes à tous les paysans habitant le pays ou venant s'y fixer à titre de fermiers ou d'ouvriers agricoles. Chacun envoie librement ses vaches, ses moutons, sans qu'il y ait limitation dans la jouissance des gens aisés ou des pauvres. Au mois de juin, au moment de la fenaison, les anciens des villages partagent les prairies insuffisantes pour la communauté en lots appelés « bauches ». Et, par suite d'un roulement convenu entre tous, ces bauches sont fauchées chaque année par des cultivateurs différents. Il existe encore, dans un certain nombre de cantons, particulièrement les cantons de Josselin, Ploërmel et Questembert, une coutume assez touchante, c'est le galet. On dit familièrement d'un pauvre journalier, celui-ci n'est pas riche, il se rend à galet. Ce mot désigne les bandes herbeuses qui entourent les champs de seigle ou de sarrasin et qui servent au passage des voitures du fermier. De même, le galet des chemins signifie toute herbe qui recouvre naturellement les bas-côtés des sentiers vicinaux. Un usage de toute antiquité reconnaît aux paysans privés de prairies la faculté de conduire à galet, sur la commune, leur unique vache ou leurs quelques moutons. En somme, les anciennes usances, charitablement rédigées, ont voulu qu'aucun coin du sol ne fût inutilisé, et pour cela, on facilitait aux indigents l'usufruit des terrains inoccupés. Voici dans quels termes sont rédigés dans les cahiers des communes les droits aux bois et prés qui, encore aujourd'hui, font loi. Communeront les portables aux douées, lavoirs et sources, fontaines, landes, communs et gallois, et les héritages qui échèreront à chacun d'eux leur donneront droit de choisir et communer suivant les anciens titres et usages. Ailleurs, cette mention est stipulée, droit de communer aux doués pour y rouir leur chanvre. Et, ce qui concorde avec notre appréciation sur l'origine des communaux, nous transcrivons du vieux livre des usances du comté de Porouët ce passage. Les advouants ont droit et privilège d'aller pâturer leurs bestiaux aux landes et communs, relevant de la dite seigneurie et baronnie. En 1774, des restrictions sont déjà stipulées dans les cahiers communaux. L'advouant a droit au commun de la seigneurie pour tout le temps qu'il plaira au seigneur. Déjà s'annonce le nouveau régime qui, 20 ans après, commencera de combattre les prétentions des paysans. Les biens communaux devant l'esprit moderne. Tous ceux qui étudient impartialement la vie à la campagne depuis 200 ou 300 ans, et on ne trouve presque pas de documents sur l'existence intime des villages au-delà du XIIe siècle, sont étonnés de constater les faits paradoxaux en apparence. 1000 exemples leur prouvent que les communaux, les camberts et les fréries se portaient beaucoup mieux sous l'Ancien Régime et qu'au contraire, la Révolution française, en instaurant une nouvelle classe de propriétaires, a, du même coup, frappé à mort les institutions communautaires du Moyen-Âge qui étaient fortement développées et assises sur une portion du sol assez respectable pour assurer au moins le pain quotidien à leurs bénéficiaires. Nous croyons qu'il faudrait réformer beaucoup de jugements sur l'ancienne France. Les vrais hommes de progrès, ceux qui constatent l'immense détresse moderne, auraient intérêt à chercher, même dans l'histoire passée, des exemples d'une solidarité et d'une communauté d'intérêts que l'esprit et la loi actuelle, trop égoïstes, ont étouffés en fait. Nous croyons pouvoir établir une relation de cause à effet entre la disparition des communaux et le départ de plus en plus accusé vers les cités. La terre se meurt, inutile constatation. Regret stérile si nous ne savons pas chercher la vraie cause de cette mort, c'est-à-dire le paupérisme croissant aux champs, parce que tout, dans les lois et les mœurs, est dirigé contre les pauvres, contre les ouvriers agricoles qui ne peuvent plus vivre sans sol et dont on coupe les attaches à la terre en supprimant le bien communal, cette douceur chère à tous les indigents qui, au moins, pourraient conserver dans leur écurie la vache unique, cette fortune, ce bien-être. Lorsque nous interrogeons nos pauvres voisins de campagne, tous sont unanimes pour réclamer le droit de vivre pâture. Mais aujourd'hui, les anciens prés ont été morcelés et sont terriblement défendus par des murs cuirassés de culs de bouteille ou de fer de lance, sans compter la loi qui fait payer cher l'herbe absorbée sans contrôle ni autorisation. Voyons donc comment les communaux ont pu diminuer si rapidement et pour quelle cause les communes abandonnent une partie des anciens terrains. C'est que l'esprit du bourgeois, maître du sol, a gagné les notables villageois autrefois acharnés à défendre les droits de la commune envers et contre tous. C'est que le petit propriétaire paysan, acquis aux nouvelles idées de possession exclusive, a voulu arrondir son lopin. Nommé conseiller municipal dans une assemblée privée succédant à l'universelle délibération de tous les habitants, il n'a eu qu'un but. Servir sa fortune, même au détriment de ses administrés pauvres. Quelques exemples de ces opérations. D'abord, des partages à l'amiable d'un égoïsme révoltant. Un jour, les notables de Guéhenno se réunissent et, assemblés municipalement, se partagent les communaux de Guer au prorata de la fortune des paysans propriétaires. Ce au prorata est tout à fait admirable, car il priva tous les pauvres, la majorité, de prétendre aux moindres parcelles. L'inverse eût été raisonnable. Ailleurs, et chaque année, nous voyons des communes adjuger des lots aux enchères et généralement aux propriétaires riverains indivis, par un sentiment de représailles trop naturel. Les voisins pauvres qui n'ont acheté aucun terrain continuent à vouloir jouir de la pâture, ce qui amène des discussions et des procès. Presque toujours la grande raison de ces ventes, c'est la pauvreté des communes rurales qui, à court d'argent pour l'exécution d'un chemin ou d'une école, aliènent une partie des communaux afin de se procurer quelques ressources. Peu à peu, le bien communal diminue, est mal entretenu, est pillé ou trop pâturé, et c'est la ruine définitive d'une propriété jadis utile à tous. Comme exemple des déprédations absurdes de communaux, aujourd'hui trop restreints pour le nombre des animaux amenés à pâturer, empruntons à Onésime Reclus cette toute récente constatation. Il parle des communaux pyrénéens et il dit que les communs sont encore propriétaires de vastes terrains en montagne, soit pâture, soit bois. De leur bois, elles ne s'occupent guère, ils sont à l'abandon. Or, elles en détiennent encore 165 000 hectares, ou les 2/5 de toute la sylve pyrénéenne. Quant à leurs communaux, elles s'ingénient surtout à y tuer la poule aux œufs d'or. Voici comment. Tel communal peut entretenir 1000 moutons, et ce qui vaudrait mieux, pourrait y maintenir 70 vaches. Borné à ce millier de tondeurs, ce pâturage durerait pratiquement toujours. Mais les communes besogneuses louent en surcroît leur pâtis aux Espagnols. Les locataires, dès l'été venu, envoient un bétail bêlant de 2 à 3 000 têtes dans cet herbage qui convenait normalement pour 1000 moutons. En quelques années, les gazons piétinés, tondus, arrachés, ont disparu avec les tiges des menus arbrisseaux qui les ombrageaient et que les maudites bêtes ont rongées jusqu'à la racine. C'est la fin d'un communal prospère. Le sol n'est plus qu'un désert et les habitants s'exilent. 160 000 montagnards sont déjà partis pour les villes. Ainsi, les causes de la disparition de ces prés et de ces bois nécessaires sont l'imprévoyance et la dilapidation d'un héritage historique par des communes prodigues et la cupidité des propriétaires riverains. Dans le Rouergue, où le paysan est profondément acquis aux idées de possession exclusive, les communaux sont mal tenus, de même en Normandie où ils sont négligés. Conséquence fatale, le salariat triomphe dans ces provinces, à l'exclusion de toute aide fraternelle. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense et quoi qu'on fasse, jamais des ouvriers payés et nourris plus ou moins misérablement ne remplaceront l'aide joyeuse et spontanée des cambères du Morbihan. Chaque année, nous assistons à ces formidables parties de travail qui s'appellent la coupe des froments et les battages à la vapeur. Chaque été, nous voyons des gens supporter gaiement pendant 5 à 6 semaines 14 à 16 heures d'un travail épuisant qu'ils savent transformer en fête des champs. Et la nuit, les jeunes gens dansent encore, et le lendemain, à l'aube, ils se rendent bras dessous en chantant, parce qu'une force indéfinie est en eux, la fraternité, qui leur fait épuiser toute la vigueur de leur corps au service non payé de braves gens qui leur rendront avec le même entrain des journées de leurs bras. Il serait utile aux écrivains qui dissertent sur l'avenir agraire et voient dans la machine un remède à tous les maux de comparer, par exemple, les batteries en Bretagne à 60 et 80 personnes avec le battage ennuyé et pénible des provinces où un maître unique, le fermier propriétaire, salarié des hommes étrangers à la prospérité du pays, est venu de Belgique ou d'ailleurs pour gagner le plus possible avec le moins d'efforts. Et réellement, les théoriciens du communisme rural ont une preuve réelle de la fécondité de leurs principes lorsqu'on observe à chaque moisson les quelques centaines de milliers de paysans fidèles aux Cambert et aux institutions analogues. Par-dessus tout, ce qui émeut le plus indifférent observateur, c'est la joie de ces campagnards brûlés du soleil et cependant vaillants après une dépense physique incalculable et telle qu'aucun salarié n'en voudrait et n'en pourrait fournir. Un décret et ses suites. Nous avons écrit plus haut que l'esprit jacobin avait été en contradiction absolue avec l'ancien génie populaire français qui, depuis le Moyen-Âge, était communautaire. Dès que le tiers-état bourgeois crut à son succès, il manœuvra évidemment contre les désirs des pauvres, qui étaient et seront toujours la multitude. Un quart du sol était peut-être bien communal en 1789. Mais voici qu'un coup de tonnerre éclate dans nos villages. C'est le décret du 10 juin 1793. Permettant et réglant le partage des communaux entre les habitants. On savait ce que cela signifiait. Le partage et les partageux ont été en haine aux rues de bon sens des paysans qui n'ignoraient pas que les riches et les puissants allaient s'octroyer la part du lion, tandis que la foule sans argent se contenterait d'être dépouillée de ses communaux qui étaient son patrimoine séculaire. Ce qui revient à dire que le décret de juin 1793 est anti-révolutionnaire et se retourne contre le peuple des terriens. D'ailleurs, les suites de cet arrêté désastreux fournirent une preuve devant l'histoire de l'absurdité des partages qu'il faudrait diviser en lots aussi nombreux que les paysans et renouveler tous les 5 ans. Les communaux étaient donc frappés à mort. L'élan avait été donné et maintenant les biens de la communauté seront, dans les campagnes, comme des îlots dont la mer ronge chaque jour les rivages et rétrécit la surface. Ils seront submergés. Quelques bons esprits déclarent que c'est une loi du progrès. Nous protestons au nom des pauvres journaliers agraires dont on assure ainsi la misère durable. Puisque, privés des pâturages, ils ne peuvent plus avoir de lait et de beurre, les moyens d'entretenir les animaux leur étant retirés. En dehors de cela, ces gens littéralement déracinés d'un sol qui ne leur est plus rien, voudront tous habiter les villes. Partout, les nouveaux maîtres de la terre sont plus absolus dans la possession de leurs biens, et ils ne reconnaissent plus les vieilles tolérances séculaires. À la forêt de la Nouée, canton de Josselin, dans le Morbihan. De temps immémorial, on accordait aux saquiers, porteurs de charbon de bois, le droit de pacage. C'en est fini. Les dernières communes libres qui subsistaient encore au milieu des terres administratives, comme cette fameuse petite république de Télin en Plélan, Ille-et-Vilaine, ont cessé d'être autonomes et exemptes d'impôts. Mais un espoir surgit. Par un retour éternel des choses, en créant les caisses et les syndicats agricoles, on refait partiellement, au moyen de la puissance de l'argent, ce que les mœurs et les lois avaient enlevé aux campagnards pauvres. Si nous entrions dans le détail de la vie rurale, nous montrerions comment les villages de 15 à 30 feux ont besoin de vivre en communauté, de s'entraider, de posséder les principaux éléments de succès bien à eux tous, afin d'être délivrés des servitudes qui pèsent encore cruellement sur eux. Un seul fait à titre d'exemple. Parce que le charron forgeron du bourg voisin, qui est toujours un assez gros personnage, veut vendre exclusivement les charrues, il refuse de réparer les brabants et les bissocs et toutes les machines d'un usage supérieur, mais qu'il ne fabrique pas ou ne représente pas. D'où ce résultat que les fermiers français de beaucoup de provinces en sont encore réduits à des arrières plus ou moins grossières et à des terres mal labourées par la volonté d'une poignée de négociants qui, seuls, peuvent réparer ces outils. De quelque côté qu'on retourne la question, il apparaît avec évidence que l'aide spontanée seule sera encore féconde dans la vie de la terre et que tous les paysans étant solidaires devant les mauvaises et les bonnes récoltes, solidaires aussi devant leur prospérité, solidaires encore dans leurs travaux, il convient de ne pas détruire ce qui demeure de l'ancien communisme rural. Il convient aussi de sauvegarder les derniers communaux et même de les accroître, parce que ce sera encore le meilleur moyen de retenir au pays les ouvriers agraires. On cherche toujours très loin les motifs de la dépopulation rurale. Il n'en est pas d'autre que la misère. Laisser du sol, donner du bien-être, arriver à salarier raisonnablement les domestiques, les valets de fermes et les journaliers de la terre, et ils n'auront aucun besoin d'aller à la ville troquer leur pain de métaille contre du pain blanc. C'est notre conviction absolue que les communaux, les camberts, les frairies et les divers usages à base communautaire étaient la plus sûre digue contre le paupérisme rural. Par là, l'homme vivait dans la fraternité de ses voisins, et nous disons qu'au milieu de la campagne immense, le cultivateur est un insecte si petit qu'il a besoin de s'appuyer à ses faisceaux humains qu'associent leur intérêt et leur défense commune devant la vie cruelle aux pauvres paysans isolés. Pour que l'existence rurale soit féconde et supportable, il faut du sol aux pieds de ces plantes humaines que sont les paysans. Et afin qu'ils aient beaucoup d'élan et de bonne volonté dans la conquête des moissons dont nous vivons tous, il convient de leur assurer, dans des conditions raisonnables, le bois et l'eau nécessaires, et le soleil fera encore des heureux.